Bon, le mot âme a été donné à l'identification astrale, karmique, mémorielle, expérientielle de l'humain. Étant donné que ce que les religions qui emploient ce mot essaient de définir par ce mot s'adapte exactement à ce que je veux définir par ce mot. Certaines religions disent que l'âme est immortelle, d'autres que l'âme doit être sauvée. C'est un fait. Par contre, l'âme est ce qui nuit à l'humain et lorsque l'âme n'aura plus d'utilité, il devra être détruit. C'est-à-dire qu'il devra être transformé en autre chose. Il devra être transmuté, il devra être supramentalisé ou, si vous préférez, il devra être divinisé. À l'intérieur de l'âme va naître l'ego, le je, le moi. Et cet ego va s'identifier à un point tel qu'il va finir par s'illusionner d'un monde qui n'existe pas et qui ne va exister qu'à l'intérieur même de l'âme, donc à l'intérieur de ce qui pourra être accumulé dans l'âme, la mémoire. Alors l'être humain, autrement dit vous, avez tous une âme. Certains ont des âmes lourdes, c'est-à-dire de vibrations tellement basses qu'ils se rapprochent de la matière. Les personnes qui ont des âmes lourdes sont des personnes qui vivent de bas astral. J'emploie le terme âme lourde pour rejoindre la religion catholique romaine lorsqu'elle parle aussi des différentes sortes d'âmes. Certains ont des âmes légères, subtiles. Et plus votre âme est légère, plus rapidement vous allez au ciel. C'est un fait. Le ciel, c'est le monde des morts. C'est la mémoire collective astrale de la planète. Le Nazaréen parlait du ciel et il a parlé par la suite des cieux. Les cieux, le premier des trois cieux, le plan supramental, le plan de l'intelligence instantanée, celui qui va transmuer l'homme ancien en homme nouveau, l'énergie christique. L'esprit est ce que je désigne. Disons que l'esprit est, pour l'instant, si on veut comprendre facilement, l'esprit est l'énergie supramentale. Lorsque moi je parle d'esprit, lorsque je dis que l'homme doit entrer en contact avec son esprit, l'homme doit être dans sa propre intelligence, l'homme doit entrer en contact avec lui-même. Un lui-même qui n'est pas terrestre, un lui-même qui n'est pas assujetti à la manipulation mémorielle collective, un lui-même qui ne fait pas partie du monde des morts, un lui-même qui ne vit pas de naissance ou de mortalité, un lui-même qui ne connaît pas la peur, un lui-même qui ne connaît pas le temps, un lui-même qui est réel, existentiel et non pas expérientiel, comme l'est l'âme. Un lui-même qui n'accumule pas de mémoire, un lui-même qui sait instantanément ce qui doit être su lorsque cela est nécessaire. L'intelligence active, l'énergie supramentale, le plan supramental, l'Esprit Saint de temps en temps, pour prendre les termes de l'antique religion, l'Esprit. La différence entre les deux, celle-là. L'esprit, bon, pour aller, je pourrais expliquer encore plus longtemps les différences entre, ou les fonctions entre l'âme et l'esprit. J'en ai parlé extrêmement longtemps lors des dernières conférences. Et là, c'est la période de questions, il y a plusieurs questions. Possible de ne pas avoir d'âme, l'homme nouveau n'aura plus d'âme. C'est-à-dire qu'il n'aura plus une âme colorée par le plan des morts, par le plan collectif planétaire. Il aura toujours un plan astral, mais un plan astral qui ne sera pas, disons, astralisé. Coloré. La différence de fonction, l'âme est absolument essentielle pour permettre à l'esprit de venir toucher la matière. Lorsque l'esprit est maintenant disponible à venir chercher la matière, l'âme telle qu'il est conçue et connue chez l'humain doit laisser la place à l'esprit. La question suivante, c'est justement celle qui touche la fin de ta réponse. Ne serait-il pas préférable de s'abandonner à l'esprit, puisque toute résistance comporte de la force énergétique, donc une forme d'empreinte? Oui, mais il y a un problème. C'est que toutes les forces astrales s'arrangent pour essayer de plagier l'esprit, et lorsque l'être humain s'abandonne trop facilement, il ne s'abandonne à peu près jamais à l'esprit. Il s'abandonne aux manipulations des forces d'involution, aux manipulations des forces astrales. Celui qui s'abandonne à un Christ qui vient le pénétrer et qui vient le rendre joyeux, vient de se faire fourrer. Celui qui s'abandonne à un Dieu qui vient le rassurer, qui vient lui donner du courage, qui vient énergiser sa foi, vient de se faire fourrer aussi. Alors, s'abandonner à son esprit, cela veut dire s'abandonner à soi-même. Mais à soi-même du niveau intelligent. Et l'être humain n'a pas le discernement. Lorsque je dis que l'humain ne peut même pas discerner le bien du mal, avant de l'avoir fait, alors imaginez-vous ce que c'est, discerner l'intelligence de la mémoire. La mémoire crée l'intellect. L'intellectuance est le plagiat de l'intelligence. Alors comment un humain intellectuel peut-il arriver à discerner l'intelligence de l'intellectuance? Il peut pas. Impossible. Alors l'intellectuel me regarde, m'écoute et il va dire « Oui, mais il y a du lire en maudit. » Non, pas lu beaucoup. J'ai lu bien des titres de livres. Pas réussi à en lire beaucoup. À part les Tintins, les Astérix. Alors, il peut dire, oui, il doit étudier régulièrement. Je sais pas, il doit passer du temps à préparer ses conférences. Les conférences ne sont jamais préparées. Mais l'intellectuel peut pas comprendre. À un moment donné, une personne me disait, c'est mémoriel ton affaire, j'ai pu constater, parce que quand François te pose une question, ça te prend un petit peu de temps avant de commencer à répondre. J'ai dit non, c'est parce que, vois-tu, voilà un an, tout le monde disait que je répondais, puis je le coupais souvent. Fait que là, je laisse du temps. Ah, c'est pas parce que tu cherches dans ta mémoire pour amener la réponse. J'accepterai pas que François me pose les questions qu'il veut. Puis je répondrai pas non plus, il faudrait que je fouille les questions. Mais François est témoin, puis je pense que la majorité, vous l'avez déjà constaté aussi. Les questions, je viens jamais jeter un œil dedans. Alors, il n'y a pas de censure au niveau des questions. Mais ça, l'intellectuel ou l'intellectuance ne peut pas comprendre, ne peut pas discerner entre l'intelligence et l'intellectuance. Discerner entre l'intelligence et les forces mémorielles, tout ce que je dis qui est intelligent est mémorisé dans l'astral. Tout ce qui est mémorisé dans l'astral peut servir à un moment donné à venir faire croire à quelqu'un que celui-ci est en contact avec son esprit, alors qu'en réalité, il ne sera en contact qu'avec des mémoires intelligentes, mais des mémoires. Donc, des reliques du monde des morts. De temps en temps, l'astral permet des choses intelligentes à l'humain. Mais sûr, elles veulent fourrer à un moment donné pour l'amener à des catastrophes. Et ça, ça se voit régulièrement, j'en parle régulièrement, je n'élaborerai pas trop ce soir là-dessus, mais l'être humain ne peut pas discerner. Et chaque fois qu'un humain vient me voir et il vient me dire que lui discerne, que lui comprend, que lui est réellement connecté avec la bonne prise de courant, que lui est branché là où il doit être branché, avec l'intelligence, chaque fois qu'un humain vient me dire ça, il se prouve déjà à lui qu'il est carrément manipulé et qu'il s'est fait encore une fois avoir. Il n'y a pas un seul humain qui m'a rencontré jusqu'à date et qui, se croyant branché, n'a pas su résister à me le dire. On appelle ça de l'ego. On appelle ça une demande d'accréditation. Et c'est même si c'est extrêmement subtil, ça ne sert à rien. Il y a des personnes dans mes séminaires qui se débranchent et qui se retrouvent un peu. Je n'ai rencontré des personnes qui étaient carrément branchées, qui avaient un but dans la vie, nourrir leur foi. Et lorsqu'on nourrit une foi aveugle et qu'on ne sait pas où on va, même si on la nourrit, on ne va pas mieux. Et il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, ont fait des séminaires avec moi qui ont été carrément débranchées. C'est bien simple. Savez-vous comment on fait pour les débrancher? On les fait parler. Et après, lorsqu'ils parlent, on leur demande de prendre conscience de ce qu'ils ont dit. Et c'est pas long que les personnes se rendent compte que ce qu'ils disent, ce n'est pas eux qui le disent. Ils ne veulent pas dire cela. On parle à leur place. On les manipule. Et ça, ça se perçoit comment? Pas intellectuellement, pas non plus en conférence, en séminaire. Et là, les personnes voient que réellement, c'est pas ça qu'ils voulaient dire. C'est jamais ça qu'ils voulaient dire. Ou c'est pas comme ça qu'ils voulaient dire. Parce qu'on parle à leur place. On pense à leur place. Alors, l'humain qui doit s'abandonner à l'esprit ne peut pas s'abandonner à l'espérance de l'esprit. Il ne peut pas s'abandonner à la foi de l'esprit ou à la foi en l'esprit. S'abandonner à l'esprit, c'est mauditement différent que de s'abandonner à la foi en l'esprit. Parce que s'abandonner à la foi, c'est s'abandonner de l'espoir. Autrement dit, vous ne savez pas c'est quoi l'esprit, puis vous vous abandonnez dans l'illusion de ce que vous avez, que vous pensez que c'est l'esprit. Chaque fois qu'un bonhomme, chaque fois qu'une cochonnerie vient vous rencontrer, ou une énergie, ou à un moment donné, un matin, vous vous levez, vous pliez sur le pied gauche, puis là, vous vous sentez bien, vous vibrez bien. Vous ouvrez un livre religieux ou quelqu'un vous présente de quoi, puis ça vous saute d'en face. C'est ça, des manipulations. Et puis là, vous trouvez des réponses à vos questions. Mais vous n'avez pas le savoir. Vous avez des réponses à vos questions, puis vous aurez toujours des questions. Et lorsqu'une personne me dit « Oui, mais j'ai encore des questions, mais dans ce livre, j'ai toutes les réponses. » Tu te fais avoir, c'est écœurant, c'est écœurant. Pour la simple raison que toutes les réponses sont dans ce livre. Mais comment tu sais que toutes les réponses ne sont pas dans ta tête ou dans ton cœur? Pourquoi faut absolument qu'ils soient imprimés dans des pages? Si ton Dieu peut passer dans un livre pour imprimer sa vérité, pourquoi qu'il ne peut pas passer dans ton cœur? Oh, il passe dedans, fous ton livre, fous-le donc aux poubelles, puis crache donc dessus. Non, c'est un livre qui t'est fait. Parce que la personne va dire, oui, ça passe par moi, ça passe jamais par elle. Et lorsque je viens la rencontrer et que je veux parler de n'importe quoi, cette personne ne veut pas parler de n'importe quoi. Elle est manipulée, elle est limitée. Lorsque l'être humain devient intelligent, il n'est plus limité. Alors on parle du monde des morts, ça ne nous fait pas mourir, ça ne nous fait pas peur. On parle de Satan, on s'en fout. On parle des dieux, ça ne nous dérange plus. On parle des Romains, on parle de n'importe quoi. On parle des univers, on parle des plans galactiques, on parle de n'importe quoi. Et on ne se prend pas au sérieux. Lorsqu'un humain se doit de venir me dire qu'il est connecté, il est possiblement connecté. Mais il faudra qu'il se déconnecte, parce que lorsque l'humain a besoin d'accréditation, puis même celui qui s'enferme dans son trou pour aller lire ses livres ou faire ses prières, énergiser les créatures même de sa propre existence, énergiser le monde que lui-même a créé. Vous savez qu'à un moment donné, vous avez créé des saints. Vous avez créé des énergies dans des cieux, dans les ciels. Et tous ces mécanismes-là sont là pour servir l'homme. Et parce qu'ils n'ont pas de corps physique, ils apparaissent à l'humain comme étant supérieurs à l'humain. Exactement comme le chlore. Le chlore, c'est un gaz merveilleux. Hein? Il flotte dans l'air, un petit peu plus lourd que l'air, mais c'est pas trop pire. Respirez-en un petit peu, c'est un poison mortel. Alors l'humain va dire « Oui, mais j'ai besoin du chlore, oui! » Mais vous ne pouvez pas le respirer, le chlore! Et sans chlore, vous mourrez! Parce que toutes les conductions neuroniques, toutes les conductions cellulaires nerveuses de votre corps sont régies par la présence de chlore. Sans chlore, vous êtes mort. Mais le chlore, vous ne pouvez pas le respirer. Et il y a une autre substance que vous avez besoin, mais c'est la même hostie d'affaires. Parce que le chlore est nécessaire pour vous, ou parce qu'une entité astrale créée ou qui est là pour servir l'humain est nécessaire à l'humain, l'humain se met à genoux et l'humain vient de prier. Même les démons, même tout ce qui est les formes diaboliques que l'humain a créées à un moment donné, l'humain se met à genoux pour les supplier de ne pas venir le voir. Quand ils pénètrent chez vous, vous leur versez un verre d'eau sur la tête. L'autre substance essentielle à l'humain, c'est le sodium. Mangez-en un petit peu de sodium. Vous allez encore une fois mourir, et très rapidement. Prenez de du sodium mélangé à de l'hydrogène et de l'oxygène, de l'eau, et ça va vous brûler la peau. Et si vous prenez le chlore et si vous prenez le sodium allié ensemble, le NaCl, le sel de table, vous allez pouvoir le manger, ça ne vous tuera pas. Mais dans votre corps, le chlore va redevenir des ions chlore, et le sodium aussi, et ça va vous faire vivre. Alors, l'humain qui se met à genoux devant le sel, parce que le sel apparemment lui permet ceci, apparemment lui permet cela, le sel, il est là pour servir l'homme. Le sel de la terre, c'est là pour servir l'homme. Pas pour que l'homme se mette à genoux devant. Imaginez ceci, un jour vous naissez d'un père qui s'appelle le roi et d'une mère qui s'appelle la reine. Vous êtes une princesse ou un prince, et vous êtes l'unique héritier du trône. Imaginez-vous donc à l'âge où vous naissez, à l'âge de 9 mois, ben vous allez faire des dégâts dans vos couches. Et même si vous êtes l'héritier du trône, vous ne pourrez pas changer vos couches. Alors, il y a des personnages qui vont être délégués par des intelligences, et ça s'appelle des nounous. N'est-ce pas? Alors, ils vont venir changer vos couches. Ce sont des servantes et des serviteurs. Ils vont venir changer vos couches, ils vont vous donner votre sucus, ils vont vous chatouiller, ils vont vous faire manger, ils vont vous faire faire votre tiro. Oh oui, ils vont vous amuser. Ils vont même vous éduquer et vous instruire. Parce que vous allez apprendre à parler avec eux autres. Vous allez apprendre à vivre avec eux autres. Jusqu'au jour où vous allez devoir les remercier et leur dire que maintenant, vous êtes le roi ou la reine. Parce que ces entités qui vous ont aidé, qui vous ont instruites, sont vos serviteurs. Et ce n'est pas parce qu'ils ont changé les couches, parce qu'ils vous ont instruit, parce qu'ils vous ont donné de la parole, parce qu'ils vous ont donné des énergies, parce qu'ils vous ont motivé les journées où vous vouliez foxer vos leçons de musique. Non, que automatiquement vous devez les remercier. Vous mettez à genoux, puis tout ça, non. Leur fonction, elle est d'aider l'humain, parce que l'humain a une fonction cosmique, pas eux autres. Alors l'humain se crée des choses, l'humain se croit souvent guidé par des bonnes entités, par des bons phénomènes. Ce sont tous des serviteurs de l'humain. Mais évidemment, le petit prince de 5 ans, il n'ira pas dire à sa nounou de 45 ans que tu es ma servante. Qu'est-ce qui va arriver s'il lui dit? Bien, s'il lui dit en 5 ans puis que la nounou, elle est de mauvaise humeur, bien, elle va l'organiser en maudit. Elle va lui dire, « Ouais, quand tu seras roi! » Puis en attendant, ferme ta grande gueule. C'est ça que les mondes astro font. Ça que les maîtres, ça que les dieux, ça que les religions, tout cela est fait pour aider l'humain. Et tout cela a été créé par l'humain avant que l'humain soit terrestrifié, avant que l'humain soit humanisé. Et parce que maintenant, vous êtes dans des corps d'humains, ce que vous avez laissé instaurer, créer, avant de perdre la conscience, pour venir explorer la matière, bien l'homme se met à genoux devant ça. Et ça, ça rit en tabarouette. Puis ça, c'est pas pressé de vous libérer. Vous êtes pas pressé, vous autres même, d'en sortir. Alors, ces dieux, ces religions, ces maîtres, ces gourous, c'est toutes ces choses-là. Ces simulacres d'esprit n'ont pas pressé de vous en sortir. S'abandonner à l'esprit, oui. Qu'est-ce qui doit s'abandonner à l'esprit? Le corps. Vous devez devenir l'esprit. Il n'y a pas d'abandon aveugle. Pourriez-vous expliquer cette phrase? Tu es toujours, du verbe haïr, ce que tu as le plus aimé. Bon, lorsque je dis que la haine, c'est de l'amour mal canalisé, c'est rarement compris par le mancien. Regardez les drames familiaux. Regardez simplement lorsque vous, le gars ou la fille, lorsque vous sortez avec quelqu'un d'autre, que vous l'aimez, vous l'adorez, puis la journée qui commence a pu être votre esclave, a pu vous servir comme vous vouliez. La journée que la personne décide que oh, ça ne tente pas d'aller là à soir, elle sort avec un autre, on l'aimait. Et c'est immédiatement, instantanément muté en haine. Et la haine de la personne se permute en amour quand on se rappelle du bon temps, et là, en nostalgie, et là, on braille, et là, on souffre. Et en souffrant, on finit par s'écœurer de souffrir. Alors, automatiquement, toute cette énergie qui nous fait souffrir, on la transmute en énergie de vie, la haine. L'homme est capable de survivre à presque n'importe quoi pour haïr, jamais pour aimer. Alors, les personnes qui, à un moment donné, saillissent entre couples, qui se séparent et qui s'engueulent, ils se sont aimés. Et leur amour s'est transmué en haine. Et vous allez haïr le plus ce que vous allez avoir aimé le plus. Et c'est toujours comme cela que ça passe. On ne peut pas haïr quelque chose qu'on n'a jamais aimé. Certains vont dire, oui, mais moi, je suis raciste. J'ai jamais aimé noir. Oui. Mais ta famille a déjà eu des contacts avec les Noirs et on t'a éduqué. La société, elle a eu besoin des Noirs. La société, elle a éduqué. Elle t'a éduqué. Et là, tu parles d'une haine, un racisme, qui est de la haine collective, donc sociétaire. Et la société, pour arriver à haïr le noir, a dû l'aimer, le noir. Elle l'a aimé. Elle s'en est servie comme esclave. Elle en a eu besoin. Elle a apprécié ses services. Elle l'a même libéré aux États-Unis. Elle l'a aimé. Alors, ce que l'homme haït, il l'a aimé. Sinon, c'est une haine sociale, collective, et la collectivité a déjà aimé ce qu'elle haït. Toujours. Les manifestations culturelles viennent-elles renforcer l'ego? Toutes les manifestations culturelles, si on veut parler de culturel au niveau de la tradition, du folklore. Ouf, même si c'est une tradition qui n'est pas trop trop vieille, tous les rassemblements de groupes pour s'amuser, pour se distraire, pour oublier qui l'on est, viennent renforcer l'ego et viennent renforcer surtout l'égrégore de masse, c'est-à-dire la conscience collective. Chaque fois qu'un humain se branche sur des dizaines d'autres humains, il meurt individuellement pour renaître collectivement. Alors on n'a pas 10 individus, on a un groupe. Et un groupe n'est jamais constitué de conscience individuelle. Un groupe est une conscience collective. Des conseils concrets pour gérer une émotion qui vient nous perturber. Un conseil concret pour apprendre à gérer une émotion qui vient vous perturber, c'est de faire un séminaire avec quelqu'un. Alors, c'est un conseil concret. D'ici, sur la scène, à vous, des conseils concrets pour gérer une émotion qui vient nous perturber, ça ne se donne presque pas. Ça s'intellectualise trop facilement. Ce qui est beaucoup plus plaisant, c'est lorsque l'on vous suscite une émotion, immédiatement, instantanément, tout de suite. Puis là, pendant que vous êtes en train de la vivre, là, bien là, on vous en parle. Puis là, pendant que vous luttez pour nous expliquer que c'est pas ça, bien on continue à vous en parler. Puis là, quand vous commencez à pomper, bien on vous dit vous en vivez une deuxième. C'est encore plus chiant. Puis là, vous essayez d'expliquer que c'est encore pas ça, puis là, on vous demande alors pourquoi tu transpires? Si t'es pas en train de vivre une émotion. Parce que l'émotion est toujours exprimée par le système endocrinien. Alors la personne va dire c'est parce qu'il fait chaud ici. Alors, on dit pas de problème, j'ai une salle qui est climatisée, viens avec moi, on va continuer l'expérience. Et la personne va dire, c'est niaiseux, puis c'est stupide. Oui, parce qu'elle refuse de continuer l'expérience, parce qu'elle se rend compte qu'effectivement, l'ego, l'émotion est en train de se faire avoir. Un conseil pratique. Il faut absolument que vous ayez suffisamment d'énergie mentale pour que celui-ci puisse entrer en résonance avec l'expérience émotive de votre astral ou de votre ego. Cela veut dire que vous devez absolument en arriver à un point tel où votre pensée sera court-circuitée, ce qui va laisser une énergie nouvelle, observatrice d'expérience, mais qui ne peut pas la juger, qui ne peut que l'observer. Amener l'information de l'expérience sans coloration au mental, et alors là, vous saurez quoi faire. Or, moi, je ne dis pas, vous devez contrôler, on ne peut pas contrôler une émotion, elle ne doit plus naître. Les émotions gênantes. Bref, presque toutes les émotions. Alors, un conseil pratique, pour être réellement pratico-pratique, il faut pour cela que vous puissiez vivre une espèce de petite initiation banale où on vous stimule des émotions. C'est pas dangereux, ça fait pas mal. Ça choque, ça met en maudit. Mais c'est ça, ça stimule les émotions, c'est pas. Et lorsque c'est suffisamment stimulé, la personne, elle travaille avec du vivant. Si je dis, rappelez-vous, lorsqu'un jour vous étiez en état de... On travaille avec des choses mortes. Alors, on travaille avec quelque chose qui n'est pas correct. On va intellectualiser. Mais il n'y a pas un seul intellectuel qui est capable de résister à l'observation d'une émotion qui est présentement en cours et entretenue par quelqu'un ou quelque chose. Lorsque vous vous chicanez, vous êtes en un tas d'émotions. Avez-vous la faculté mentale d'observer? Non, l'autre ne vous en laisse pas le temps. Mais lorsque vous vous chicanez avec moi, je vous en laisse le temps. Alors, vous êtes dans une expression émotive. Mais je ne dis pas, t'es un imbécile! Puis tu te rappelles ce que t'as fait, c'est de ta faute! C'est pas ça que je fais. Ben, c'est plus facile avec moi. Là, je dis, t'es dans une émotion, là, tu vibres, là, observe-toi! Regarde ce que t'as de l'air! La personne, elle me répond toujours, ouais, mais c'est niaiseux, ce que tu fais là. Puis là, je continue. Alors, l'engueulade, il est dans un sens. Observe-toi. Et ça marche. C'est pratique. Elle transpire, elle pue. Bon, après. Mais normalement, ils ont compris. Pourriez-vous nous donner la définition de la Jérusalem céleste? Non. Enfin, pourriez-vous, oui, mais je ne veux pas. Pour la simple raison que la Jérusalem céleste, elle est extrêmement, disons, égrégorisée pour l'instant. Elle est conceptualisée. On a spéculé tellement dessus. Il y a plusieurs personnes dans la région de Montréal et au Québec qui présentement s'amusent à créer des illusions de Jérusalem céleste. Certains la placent sur une autre planète, d'autres la placent au pôle Nord, d'autres la placent au Québec. Et on a suffisamment charrié là-dessus que je ne rajouterai rien pour la simple raison qu'on va interpréter, on va essayer d'associer ce que je vais dire à ce qui a été dit et on va continuer à s'éloigner. La Jérusalem céleste, on n'a pas besoin de savoir où c'est qu'elle est. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est. Sachez une chose, prenons juste la Jérusalem céleste, ce n'est pas un lieu où aller, c'est un état à devenir, d'accord? Bon. Quel rôle jouera l'avatar né le 5 février 1962? Y a-t-il un rapport avec le 5 février 2023? Bon, il se trouve que l'avatar né le 5 février 1962 est un avatar qui amenait l'entrée vitale dans l'ère du Verseau. La planète Terre matérielle, la matière a pénétré l'ère du Verseau avant. En 62, c'est le corps vital de la planète Terre qui pénétrait l'ère du Verseau. Cet avatar l'amenait. En 69, la partie émotive astrale pénétrait l'ère du Verseau. En 72, la partie mentale pénétrait l'ère du Verseau. En l'an 2000 et des poussières, la partie supramentale de notre planète a pénétré l'ère du Verseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est encore dans l'ère piscéenne, dans l'ère du poisson. Plusieurs astrologues se sont astinés pour savoir à quelle date on pénétrait dans quoi. La planète Terre, elle est matière, elle est entourée de nuages d'énergie vitale, de nuages d'énergie astrale, et tout cela suit selon les attractions des planètes qui l'entourent, du Soleil et des étoiles qui entourent le Soleil, a une forme très particulière et on ne pénètre pas, c'est-à-dire que l'ère du Verseau pénètre notre contexte planétaire, mais n'a pas englobé toutes les parties évolutrices de notre planète. Et c'est pourquoi les astrologues s'astinent et se chicanent. Ils ont appris dans des livres, eux autres, peuvent pas tout savoir. Hein? Bon. Cet avatar, non seulement amenait l'énergie vitale, c'est-à-dire qu'il amenait... Chaque grande ère est annoncée par différents avatars. Sauf que dans ces périodes-ci, on n'a pas un avatar qui annonce l'ère du Verseau. Il y en a plusieurs. Le Nazaréen était celui qui amenait l'ère du poisson. Ram amenait l'ère du bélier. On a eu d'autres qui ont amené l'ère du taureau, etc., etc., etc. Intéressant. Lorsque, en 2023, premièrement, on va pénétrer dans des phases supramentales, mais c'est pas toujours fort. En 2023, on peut s'amuser comme on veut. Les dates, sachez une chose, les dates sont extrêmement dangereuses. Parce que les contextes spatio-temporels étant extrêmement élastiques. Regardez ceci. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un et la personne me disait « Tu as dit qu'en 1986, tu cessais de faire des conférences publiques. » J'ai dit « Oui. » Et on est en 1986, donc je m'attends à ce que le 31 décembre 1986, tu ne fasses plus de conférences publiques. Alors, j'ai dit à la personne, effectivement, le 31 décembre 1986, je ne ferai plus de conférences publiques pour moi. Alors, la personne m'a dit, je ne comprends pas. Eh bien oui, je fais des conférences parce que j'en ai besoin. Parce que lorsque l'on me pose des questions... Ça me permet de répondre. Me permettant de répondre, j'amène de l'énergie supramentale à mon niveau. Cela me permet de finaliser la connexion avec mon esprit. Autrement dit, cela me permet de m'espritiser. Pour ne pas dire spiritualiser, qu'il est vraiment dépassé. Et à partir du 31 décembre 86, ou un peu avant, je n'aurai plus besoin de faire de conférences pour moi. Alors la personne me dit, oui, mais tu avais dit que tu ne ferais plus de conférences publiques. Oui, j'avais perçu l'énergie qu'en 86, je finirais. Mais cela ne veut pas dire que je ne continuerai pas après 86, mais ce ne sera plus pour moi. Lorsque l'on parle de date, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on a voulu abaisser dans une date? Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Qu'est-ce qui va se passer en 1999? Est-ce que l'on parle en 2023, ou comme on parlait en 62, est-ce que l'on parle de la partie matérielle, vitale, astral, mental, supramental. Si je parle des dates, je déteste les dates. Si je parle des dates, encore une fois, on énergise des égrégores. L'avatar né le 5 février 1962 aura un rôle qui ne sera pas important pour l'humanité en 2023. Par contre, un rôle qui sera extrêmement important pour lui en 2023. Pour lui. Pas pour les autres. On revient au présent. Être dans le présent, est-ce que c'est la façon d'accueillir le savoir instantané ou l'énergie supramentale? De toute façon, l'énergie supramentale, le savoir instantané, l'intelligence active, ne peut pas être perçue au-delà que du présent. Intelligence instantanée. Et ce ne peut même pas être compris par celui qui n'est pas un tout petit peu dans ce présent de par sa conscience. Et vous avez sans doute, pour la majorité d'entre vous, un peu de conscience instantanée. Oui. Sauf que vous laissez cette conscience instantanée tout à fait étouffée par votre conscience mémorielle, par la connaissance, par le doute qui est généré par le fait que vous ne connaissez pas. Vous dites, vous ne savez pas. Être dans le présent, est-ce que c'est la façon d'accueillir le savoir instantané? Il n'est pas question d'accueillir dans le sens accueillir du terme, hein? Accueillir avec consentement. Être dans le présent, oui, mais être dans le présent, ce n'est pas un état d'esprit à développer lorsque je pense à rien. Il pense, mais à rien. Alors, sa pensée est toujours existentielle, expérientielle, et au lieu de penser à une patate, il pense à rien. L'humain doit en arriver à ne plus penser. Et ne plus penser, ce n'est pas penser à rien. Toutes les formes de méditation enseignées présentement n'amènent pas l'humain à l'instantanéité. À part, ce n'est même pas de méditation, même si cela s'appelle méditation assise, à part certaines pratiques du zen. Ne recherchez pas à Montréal, on n'a pas de ces pratiques d'instantanéité, ça demande trop de souffrance aux adeptes. Et ici, on ne paie pas pour souffrir. On se plaît à souffrir, mais on ne paie pas pour ça. Alors, l'instantanéité, toutes les formes de méditation amènent l'humain à l'illusion de l'instantanéité, le rendant inefficace tant qu'il est en méditation, parce qu'il est en méditation. Alors, lorsque l'humain ne pense plus, il sait. Et vous ne pouvez pas vous pratiquer à ne plus penser, vous allez vous pratiquer à ne penser à rien si vous vous pratiquez. Parce que si vous voulez vous pratiquer à ne plus penser, cela veut dire que vous pensez à vous pratiquer à ne plus penser. Étant régie par la pensée, elle va vous permettre de penser à rien, et c'est tout. À un moment donné, sans que cela ne vous fasse souffrir, vous allez avoir de plus en plus de contact avec votre ajusteur de pensée. Donc, vous aurez de plus en plus une pensée ajustée qui permettra à une étymologie, à des mots, à des paroles, dans votre tête, d'être de plus en plus en accord avec l'énergie qu'il devrait exprimer. Cela va permettre lentement de créer un canal au niveau de votre pensée. Oui, dans ce canal, il y aura le vide, c'est-à-dire que dans ce canal, il y aura de la place pour du savoir instantané. Cela veut dire que dans ce canal, il n'y aura pas de pensée. L'ajusteur de pensée est un diaphragme qui laisse passer l'énergie supramentale en ouvrant les mécanismes, en ouvrant la pensée, en créant un vide de pensée, donc en éliminant toutes les formes mémorielles, karmiques, égoïques dans cette pensée. Alors, vive instantanément, vive le moment présent. Ce n'est pas question de choix, c'est question d'évolution. Et vous allez tous y arriver, que vous le vouliez ou non. Celle qu'on appelle Lucie, qui est une australopithèque, était-elle humaine? Que serait-il arrivé à son karma, simiesque de singe? Bon, premièrement, elle n'était pas humaine. Et Lucie, il y a eu beaucoup d'autres australopithèques qui ont vécu des phénomènes... assez intéressant. D'ailleurs, il n'y a pas eu juste au niveau de l'australopithèque. Dans les races humaines, il y a eu différentes formes de races qui ont été des races expérientielles, c'est-à-dire sur lesquelles des expériences évolutives ont été tentées. Toutes les races évolutives, expérientielles, ont été éliminées de la surface de la planète pour la simple raison qu'ils n'avaient pas la faculté biologique et génétique de pouvoir accumuler à l'intérieur de leur boîte crânienne et de leur centre de leur gorge des phénomènes permettant la création d'un cerveau cartésien, sinon cortexien, et un centre laryngé permettant d'amener l'humain à la parole, mais une parole articulée de façon à pouvoir créer différents mots. Et surtout, avoir un centre laryngé qui lui permettrait de pouvoir prononcer, nommer les choses sans avoir à y penser, parce que la pensée vient de la création de la parole. Cela veut dire que dans la forme de race humaine qui a été choisie, et c'est la race qui naît de nous, il y a évidemment eu, au niveau des australopithèques, au niveau des pithécanthropes, au niveau de différentes autres formes de races expérientielles, il y a eu une élimination qui s'est faite par la simple raison, par le simple mécanisme du fait que l'intelligence, même si elle est extrêmement astralisée, psychologisée, égoïsée, a été placée dans certains humains. Nôtre, notre race, dont nous sommes les descendants. Ces humains ont servi, premièrement, à manipuler et à massacrer les autres races, et surtout, le contexte évolutif de la planète Terre a été suffisamment puissant pour permettre l'élimination de toutes les formes de races humaines, pour ne laisser à la surface de la planète Terre qu'une seule sorte de race humaine, la nôtre. Lorsque les Australopithèques, entre autres, qui étaient une race relativement évoluée, ont commencé à entrevoir, ils n'ont pas entrevu, mais lorsqu'on a commencé, l'intelligence, lorsqu'on a commencé à entrevoir la possibilité d'extendre cette race de façon à ce qu'elle puisse devenir aussi un véhicule porteur de l'intelligence cérébrale et de l'intelligence laryngée, la parole, le verbe, ainsi que la pensée intentionnelle ou la pensée créatrice, ce qui n'est pas encore tout à fait apparu chez l'humain d'aujourd'hui, la majorité de ces, les premiers contingents de cette race expérientielle, la majorité de ceux-là ont vécu apparemment, c'est-à-dire qu'ils ont vécu sous une forme plus humaine que simies, mais on pourrait dire aujourd'hui androïde, c'est-à-dire que c'est une forme créée par l'intelligence astrale dans l'espoir d'essayer de reprendre une race, de reprendre un cortège humain, un cortège abandonné par l'expérience intelligente en Lémurie, pour essayer de se servir de ses corps de façon à créer un homme qui serait tout à fait à l'égal de l'astral, un être humain qui ne serait pas intelligent. Ces races ont donc été éliminées par l'intelligence, parce que de toute façon, le contexte mémoriel de l'époque, et là on va loin dans le passé, n'étant pas le contexte mémoriel, donc le contexte astral, n'étant pas suffisamment évolué ou assez énergisé, il n'a pu créer que des humains tout à fait débiles. Même si ceux-ci avaient la faculté d'aimer, ils ne pouvaient pas avoir la faculté d'intelligencer leurs propres expériences, donc ils n'avaient pas la faculté de réflexion. Si aujourd'hui on avait une race comme l'Australopithèque, vivant aujourd'hui, avec l'astral qu'on a, on aurait facilement la possibilité de voir naître une deuxième forme d'humanité. Et je ne parle pas des races noires, rouges, blanches, etc. Je parle d'une deuxième forme d'humanité qui aurait une évolution tout à fait extra-humaine, donc qui n'aurait rien à voir avec la nôtre, et qui serait simplement le véhicule de l'astral. Là, on aurait des fichus problèmes. Parce qu'on aurait simplement des humains qui ne seraient bâtis que pour nous détruire. Et ce qui ne se peut pas, et ce qui ne s'est pas pu à l'époque, pour la simple raison que l'astral était à peine existant. Pourriez-vous préciser davantage sur les formes à conserver? Toute forme intelligente et utile est à conserver. Qu'est-ce qu'une forme? La parole est une forme. Elle contient une énergie qui vous permet de suivre ma pensée ou mon savoir. Pour être précis. Le micro a une forme. Le verre a une forme. Votre corps physique a une forme. L'esthétique, c'est le jeu des formes. Un concept d'idée, c'est une forme. Une religion, c'est une forme. Et lorsque je dis que la parole est une forme, tout ce qui est nommé est une forme. Betelgeuse, le mot a une forme et il contient à l'intérieur de lui un être ou une entité matérielle limitée, une étoile. Dieu, c'est une forme et ça ne peut contenir qu'une forme. Ça ne peut contenir des choses illimitées et infinies. Ça n'existe pas dans les formes. J'ai le concept de la réincarnation, c'est une forme. Elle me permet de bien dormir, je la conserve, elle est utile. Je peux aussi l'abandonner. L'idée, ce n'est pas de vouloir absolument détruire les formes qui vous ont permis de grimper. L'idée, c'est de simplement abandonner les formes qui ne vous sont plus utiles. Toute forme utile est intelligente. Toute forme intelligente est utile. Toute forme qui ne sert plus ou qui vous nuit est inutile. Les formes qui sont importantes pour vous ne sont utiles que par cette importance. Autrement dit, elles ne servent peut-être plus à rien. Elles vous sécurisent, utilité. Mais est-ce qu'il y a moyen d'éliminer ce besoin de sécurité? Le fait qu'une personne meure, cela vous touche. C'est une forme. Vous attachez de l'importance à la forme, la personne. Vous attachez de l'importance à la mémoire de la personne, la forme. Ce n'est plus utile. La personne s'en va. Je regardais dernièrement un cortège où on allait enterrer un policier qui s'était fait descendre, qui s'était fait abattre. Tout le cortège avec les policiers qui viennent d'un peu partout, du Canada et des États-Unis, les chevaux, les trompettes, les drapeaux, les marches, tout ça est de la forme. Et à quoi elle sert, cette forme? Elle sert à dire aux policiers qui sont vivants, si un jour tu meurs, on va penser à toi. Elle ne sert à rien d'autre. Alors, elle donne l'espoir aux policiers qui sont suffisamment égoïsés qu'un mois au moins, on va penser à eux. Alors, ça leur permet de risquer plus facilement leur vie. Ça leur permet d'accomplir plus facilement leurs devoirs. Mais la forme ne sert pas celui qui est mort. Et c'est comme ça aussi dans les batailles, sur les champs d'honneur. Tout ce que l'on va faire pour le salut des morts, en réalité, c'est le salut des vivants. La forme, elle ne sert que les vivants. Elle ne sert pas le monde des morts. Le monde des morts accumule les formes qu'on lui donne, mais il ne peut pas s'en servir. Il n'est pas intelligent. Il ne peut pas légiférer sur les mémoires. Il est mécanique, mais d'une mécanicité plus absurde que la nôtre. Regardons l'exemple où on remet une croix posthume d'honneur à une personne qui a donné sa vie en sauvant quelqu'un. Pourquoi on lui remet une croix posthume? Pourquoi on s'évertue continuellement à remettre des croix posthumes ou des honneurs posthumes à nos héros qui sont morts? À un jeune scout qui s'est noyé en sauvant deux autres, à un pompier qui est mort dans un incendie, ou à une personne, un honnête citoyen ou un malhonnête citoyen qui, à un moment donné, a donné sa vie pour sauver quelqu'un. Lorsqu'il est mort, on le récompense. Plus souvent que les vivants. Parce que ça rapporte plus de récompenser les morts que ça rapporte de récompenser les vivants. Parce qu'en récompensant les morts, on entretient une forme qui fait dire aux vivants qu'ils resteront, sinon immortels, longtemps vivants dans nos mémoires. Et l'immortalité de l'âme, elle n'existe que si on ne l'oublie pas. Alors, c'est une forme. Mais si cette forme n'est plus utile pour vous, si vous êtes au-delà de ça, passez par-dessus. Quelqu'un vient de mourir, vous n'allez pas le voir. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, cette forme-là est utile? Alors, allez le voir. Pas pour lui, pour vous, pour que les autres ne pensent pas que vous ne l'aimez pas. Toute forme est là pour bâtir l'humain. C'est comme j'expliquais dernièrement. On bâtit une maison avec des échafaudages. L'échafaudage, c'est la forme. Alors, on met des échafaudages, on met des planchers. Alors, on monte dessus, on bâtit lentement la maison. Mais lorsque la maison est finie, ben, l'échafaudage, il doit décoller. C'est la forme. Si on veut garder l'échafaudage au nom du fait que c'est lui qui a bâti sa maison, ben, la maison aura toujours l'air folle. Elle aura l'air d'humain. Alors, on aura peur d'entrer dans la maison de peur que des planches ou des morceaux de briques oubliés nous tombent sur la tête. Il y a tout l'échafaudage qui est là. Tu sales, tu crottes, ça rouille, ça pourrit, ça tombe, ça se défait. Et là, il faut attendre que le temps évolue suffisamment à l'échafaudage pour que l'échafaudage se ramasse en poussière, soit biodégradé. Alors, on doit ôter l'échafaudage. La forme, c'est cela. La forme, ça permet de contenir de l'énergie pour que l'énergie finisse par contenir l'humain. Tant que la forme a de l'intelligence, on garde la forme. Lorsque la forme n'est plus utile, on abandonne la forme. Sachez une chose, c'est que la forme, c'est toujours le contenant d'une énergie. Et que si l'on se met à adorer la forme, on n'adore pas l'énergie. Et si on veut conserver la forme, on bloque l'évolution de l'énergie. Il ne peut plus se transformer. Vous ne pouvez pas vous transformer, vous non plus, à partir de tradition. Vous restez comme vous êtes. Lorsqu'une forme vous permet de monter, c'est bon. Lorsqu'elle n'est plus utile, on l'abandonne. Si on le fait sans souffrance, en dedans de 2 semaines, on est devenu un être nouveau. Si tout est mécaniquement prévu, comme vous dites, il ne me sert à rien de tenter d'activer mon évolution supramentale. C'est en plein ça, j'ai compris. Ça ne te sert à rien de vouloir arriver à activer, accélérer l'évolution supramentale, c'est un fait. Ça ne sert à rien. Ça ne nous sert à rien de vouloir évoluer. Évoluer pareil. Sauf que lorsque la personne finit par comprendre les mécanismes supramentaux, lorsque la personne finit par vouloir accélérer, c'est sans doute parce qu'elle est en train d'accélérer. Ce n'est pas parce qu'elle veut qu'elle accélère. Elle veut parce qu'elle accélère. La nuance. L'évolution est exponentielle lorsqu'à un moment donné, ça s'exponentialise, ça s'exponentialise. Comment? T'es bon, toi, là. Ça décolle. Lorsque ça décolle, intéressant. Lorsque ça décolle, qu'est-ce qui arrive? Mais il arrive simplement que l'ego expérimente le processus. Alors l'ego trippe. Alors l'ego se dit « crime, ça marche, je veux aller plus vite, je veux. » Alors c'est sans doute parce que ça marche plus vite. Exactement comme celui qui, à un moment donné, entre dans un cheminement plus puissant de conscientisation. Est-ce qu'il l'a décidé? Mais non, il l'a décidé parce qu'il n'avait pas le choix de le décider. Il l'a décidé parce que c'était vibratoire chez lui. Mais parce qu'il l'a décidé, c'est pas devenu vibratoire. Il y en a plein qui ont décidé bien des choses puis qui sont restés au même point. Mais à un moment donné, celui qui comprend des choses, celui qui en voit l'utilité, celui qui commence à vibrer différemment, celui qui se dit « crime, c'est vrai, si je fais ça donne ceci, ça donne cela. Si l'émotion me nuit, c'est vrai qu'elle me nuit, je m'en rends compte, si j'essaye de faire telle chose. » Ça, c'est le jeu de l'ego qui fait juste exprimer les processus déjà en cours. Et lorsque la personne va vivre une émotion, elle va dire « crime, je suis en train de l'observer, je vois ceci, je vois cela. Hey, j'accélère, j'évolue bien plus vite comme ça. » T'évolues plus vite comme ça, mais c'est pas inhérent à toi. Tu le constates pensant que c'est toi qui le décides. La personne qui décide d'accélérer, si elle est intelligente, elle va accélérer. Mais pas parce qu'elle a décidé d'accélérer, parce qu'elle en était rendue à accélérer. D'où l'importance de l'attente active. Celui qui attend patiemment la fin de l'inutile, ben, il évolue pas. Celui qui se dit « oui, on n'a rien à faire d'abord, l'énergie supramentale, l'intelligence, le savoir, ça te tombe sur la tête comme une brique, ben je vais me tenir près des chantiers de construction, puis je vais attendre. » Il se tient près des centres qui évoluent. C'est ça. Il attend d'avoir de quoi, il m'a donné une sueur de transpiration du maître. Bon. Il t'ouvre pas ceci, pas de maître ici. Alors, à un moment donné, la personne qui attend comme ça, il se passe rien. L'attente active, c'est quoi? C'est de se mettre toujours en disponibilité. Vous voulez avoir un emploi. Si vous avez à travailler, vous allez en avoir un. Oui, mais mettez-vous en disponibilité. Parce qu'ils n'iront pas vous chercher chez vous avec des menottes pour vous amener travailler. Si vous ne laissez pas votre nom nulle part, si vous ne faites pas de téléphone, on ne viendra pas vous chercher. C'est pas vrai. Alors, ce qui fait que la personne doit vivre un temps d'attente active. Elle doit donc être disponible. La personne qui décide d'évoluer plus rapidement, si ça marche, c'est que c'était ça. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas encore le temps. Dans 2 jours, dans 1 journée, dans 1 heure, dans 1 semaine, dans 10 ans. Mais restez toujours disponible à l'accélération. Toujours. Question en 2 volets. Est-il vrai que le volume d'énergie cosmique est limité? Si oui, serait-ce la raison pour laquelle certains doivent mourir lorsque d'autres se supraconscientisent? Deuxièmement, est-il vrai que le total d'énergie positive égale le total d'énergie négative, de sorte que le total est nul ou 1? C'est tout vrai sauf une chose. Est-il vrai que le volume d'énergie cosmique est limité? Oui, parce que la création contient des limites. Si oui, serait-ce la raison pour laquelle certains doivent mourir lorsque d'autres se supraconscientisent? Non. Les personnes meurent pour la simple raison qu'elles doivent se réincarner et être absorbées par l'esprit qui se conscientise ou se supraconscientise. Et les personnes meurent pour pouvoir renaître dans des corps plus évolués de façon à ne pas passer leur vie à évoluer dans des australopithèques, par exemple. Est-il vrai que le total d'énergie positive égale le total d'énergie négative? C'est un fait que c'est tout à fait égal. Parce que ni un ni l'autre n'existe dans la forme telle qu'on les décrit ici. Alors, évidemment, elles sont égales. Et que le total est nul ou 1. Le total est nul et 1. Et non pas ou un, par le fait même que c'est. Il n'y a pas d'énergie négative, il n'y a pas d'énergie positive. Il y en a dans la dualité psychologique de l'homme, il y en a dans la dualité psychologique qui est générée par le plan du monde des morts comparativement au monde des vivants. Mais il n'y en a pas dans la réalité cosmique. Alors automatiquement, il y a une chose. Une chose qui est exprimée de différentes façons et selon les points de vue dans la galaxie, on voit les choses de différentes façons, ce qui automatiquement, pour une psychologie qui n'est pas capable de comprendre sa situation spatio-temporelle, son point de vue, voit automatiquement un avant et un arrière, donc une dualité. Et dans la dualité naît relativement facilement le bien et le mal. Le mal, c'est le bien dont vous ne voyez pas l'utilité, et le bien, c'est le mal que vous trouvez brillant. N'est-ce pas? C'est ça, mon cher Watson. Merci. Qu'est-ce que l'ésotérisme? Tu voulais pas que je lise le reste, hein? Non, mais c'est parce qu'il y a 4 questions sur la même feuille. Elles sont pas en rapport les unes avec les autres. Bon, l'ésotérisme, ce que je fais, moi, c'est de la psychologie ésotérique. Ce n'est pas de la psychologie. Ce n'est pas psychologie de l'âme, oui, mais c'est de la psychologie ésotérique. Ésotérisme veut dire, premièrement, tout ce qui vient de l'intérieur. Exotérique, tout ce qui vient de l'extérieur. Les religions sont exotériques, vous les apprenez par vos oreilles. Tandis que l'ésotérisme ne peut pas être appris par ses oreilles, ni par ses yeux, ni par ses doigts, ni par sa langue, ni par son nez. Lorsque moi je parle, ce que je fais moi est de la psychologie ésotérique. Ce que vous entendez, c'est de la psychologie exotérique. Ésotérisme veut dire qu'il vient de l'intérieur. On ne peut pas apprendre l'ésotérisme. Maintenant, si on se fie à au charlatanisme ésotérique, l'ésotérisme, c'est tout ce qui est mystérieux, intéressant, fascinant, flyé. À un moment donné, l'ésotérisme, c'était aussi le tirage de cartes, cristalloscopie, astrologie. Ça, c'est de l'occultisme. Ce n'est pas de l'ésotérisme dans le sens où moi je l'emploie, c'est de l'occultisme. On mystifie, on occulte. S'amuse. Vous ne verrez jamais un ésotériste dans le sens québécois du terme avec un turban autour de la tête, à moins que ce soit un hindou. Là, j'y permets. L'ésotérisme, le salon des sciences occultes, par exemple, est effectivement le salon des sciences occultes. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Et il n'y a pas de symposium ésotérique, ou presque pas. Lorsqu'on regarde certaines émissions qui ont déjà eu cours et qui vont peut-être avoir cours, comme ésotériste expérimental, le fait d'être expérimental, l'ésotérisme, la rend automatiquement exotérique. Et pourquoi l'émission a-t-elle été appelée ésotérisme expérimental? Pour la simple raison que les sujets traités, ce sont des sujets qui, normalement, parviennent à l'humain par l'intérieur. Donc, le titre a été très bien choisi, merveilleux. Sauf qu'il faut faire attention, la majorité des personnes qui sont charlatans vont toujours aborder des termes qui plaisent. Alors, lorsque l'occultisme est renié, il se transforme, il devient un ésotériste. Là, tout le monde l'aime. Lorsque l'ésotérisme est renié, alors il devient parapsychologue. Là, ça pogne. Lorsque le parapsychologue est renié, ben là, il cherche ce qui se passe, là, puis il va finir par aborder le nouveau terme. Alors, on finit de s'amuser, puis on parle d'ésotérisme. Quand on parle de tradition ésotérique, tout ce que l'alchimie a fait est ésotérique, les religions sont ésotériques, et même la politique est ésotérique. Il y a plusieurs questions qui concernent la différence entre les guides des ténèbres et les guides de lumière. Ça n'a pas été bien compris. Est-ce que tu peux le spécifier? Il y en a plusieurs. Bon, premièrement, il y a une conférence que j'ai faite à un moment donné sur les maîtres du monde, ceux qui s'intéressent de savoir de quelle façon ils se font manipuler par ces cochons-là. Vous pouvez toujours écouter cette cassette. Bon, quelle est la différence entre les guides des ténèbres et les guides de lumière? Lorsque moi je parle de guides de lumière, je parle d'entités qui ont pour fonction apparente de faire évoluer l'humain plus rapidement, même lorsque l'humain n'est pas prêt. Les guides des ténèbres sont des entités qui ont pour fonction d'empêcher les guides de lumière de fonctionner. L'humain se règle lui-même par sa mécanicité d'évolution. L'humain se règle lui-même par l'ajusteur de pensée qu'il va finir par posséder. Les guides des ténèbres, comme tels, ont une fonction, nuire aux guides de lumière. Et les guides de lumière ont une fonction, faire évoluer l'humanité, malgré l'humanité. Et c'est là le problème. Alors, l'humanité ne doit pas évoluer en suivant les guides de lumière. Et l'humanité n'a rien à foutre avec les guides des ténèbres. Comprenez? Évoluer dans votre intelligence. Jugez, analysez vous-même. Et lorsque ça vous va, décidez que ça vous va. Acceptez pas comme ça. Le mouvement raélien est-il un égrégore nouveau pour guide de lumière? Ça regarde les raéliens. La destinée finale de l'homme, c'est quoi? Ça regarde l'homme. Êtes-vous un homme? Quand je parle d'homme, je parle de femme, évidemment. La destinée finale de l'homme, on va y revenir dans des conférences un peu plus tard, mais résumé, comme je le résume toujours, c'est de bloquer l'expansion évolutive de l'univers. Ça, c'est le rôle de l'humain. L'homme nouveau a-t-il des limites? Certainement que l'homme nouveau a des limites. Pourquoi l'homme nouveau n'aurait pas de limites? La première limite de l'homme nouveau... Intéressant. L'homme nouveau est toujours limité à un corps physique. L'homme nouveau est toujours limité à procréer des entités corporelles, des enfants qui ne seront pas nouveaux à la naissance. L'homme nouveau, bien qu'en contact avec l'intelligence instantanée, ne sera pas capable d'engendrer des enfants qui, de par leur naissance, seront en contact avec l'intelligence. Ces enfants seront donc obligés de parvenir eux-mêmes à l'intelligence. Évidemment, les corps physiques ainsi que les âmes seront drôlement plus évolués, ce qui permettra de faciliter l'évolution des enfants. N'empêche. L'homme nouveau est limité aussi par la contingence d'hommes anciens qui l'entourent pour l'instant et qui va l'entourer pendant les décennies qui vont venir. L'homme nouveau est limité par le fait qu'il n'a pas la science totale de son univers ou des super-univers, c'est-à-dire que l'homme nouveau n'a pas le savoir instantané de la création, ce que l'ancienne religion appelait la création. L'homme nouveau doit donc passer à un autre stade par la suite. François parlait d'homme-esprit. L'homme-esprit sera l'homme nouveau dans la race des hommes nouveaux. Même titre que l'homme ancien est un homme nouveau comparativement à ceux du 17e siècle et que l'homme nouveau qui est en train de naître est un homme nouveau comparativement à l'homme ancien, il y aura toujours ce qu'on je pourrais appeler des hommes nouveaux. Mais ils seront nouveaux, donc différents de la race dans laquelle ils vont naître. L'homme nouveau va connaître différentes limites, mais si vous voulez savoir quelles seront ces limites, ce sont des limites que la conscience présente de l'humanité ne peut même pas englober. Si je vous dis que l'homme nouveau va être capable de traverser la matière, mais ne sera pas capable de traverser le temps sans mécanique ou sans mécanisme, sans toute une forme que j'ai déjà appelée séraphique, sans toute une panoplie de mécaniques qui présentement servent aussi l'humain. L'humain a un corps physique, l'humain a un corps digestif, l'humain doit digérer, l'humain doit excréter, l'humain doit respirer, l'humain doit reformer son corps au fur et à mesure que celui-ci meurt, parce que le corps meurt toutes les secondes. Alors l'humain recrée les cellules, et lorsqu'il le recrée mal, il vieillit. Alors ça, c'est la limite de l'homme ancien. L'homme nouveau aura aussi des limites, mais qui ne peuvent pas être englobées par la conscience de l'homme ancien. Je peux parler des limites de l'homme ancien qui seront détruites par l'homme nouveau, et automatiquement, l'homme ancien va penser que l'homme nouveau est sans limite. Mais l'homme ancien ne peut pas comprendre les limites de l'homme nouveau. Qu'est-ce que c'est que... Prenons l'énergie supramentale. Beaucoup pensent que l'énergie supramentale est omnisciente. L'énergie supramentale n'est pas omnisciente. Elle est omniprésente. Elle est omnipotente. Elle n'est pas omnisciente. Elle ne sait pas tout. Elle sait tout ce que l'humain a besoin de savoir. Elle sait tout ce que l'humain galactique a besoin de savoir, mais elle ne connaît rien des univers. Et l'homme nouveau étant relié à la conscience instantanée de l'énergie supramentale est donc limité. Autrement dit, vous êtes limité par une conscience neurologique. Il suffit juste de boire un peu de boisson, vous droguer un peu, vous savez plus où vous êtes. C'est une limite. Tandis que l'homme nouveau, lui, aura une conscience limitée par la structure même de notre galaxie. C'est-à-dire qu'il pourra prendre, c'est pas de la boisson qu'il devra prendre s'il va arriver à somnubuler. L'homme nouveau aura une limite galactique, tandis que l'homme ancien a une limite tout à fait biologique. L'homme ancien a une limite reliée au plan astral, donc à son ciel planétaire. Il n'a même pas encore de conscience avec son plan mental planétaire. L'homme qui commence à avoir un plan mental a donc une limite stellaire, c'est-à-dire une limite reliée à son système solaire, une limite reliée à son système, donc une limite qui lui permet d'entrevoir un peu toute la forme des planètes, à envoyer des petits engins sur la Lune, à envoyer des satellites autour de d'autres planètes et s'illusionner dans des films de guerre des étoiles. Lorsque l'humain atteint une conscience supramentale, il déborde totalement de son système solaire pour aller rechercher une conscience qui est galactique. Sauf que la limite, elle est encore là. Même si ce savoir instantané galactique, cette énergie supramentale, le premier cieux des trois cieux, donne l'illusion à l'homme ancien que l'homme nouveau sait tout ce qui peut être su à l'échelle de notre planète. Mais la limite, elle est quand même très grande, très vaste. La limite, elle est massive pour l'homme nouveau. Et la limite... elle apparaît comme étant illimitée pour l'homme ancien. Mais l'homme nouveau sera aussi limité que l'homme ancien l'est, mais d'une forme inconnue de l'homme ancien. Et évidemment, l'homme ancien a intérêt à être débarrassé de ses limites à lui. Quand je dis aussi limité, c'est exactement comme si je dirais celui qui est pris dans un tas de boîtes, qui lui pleut sur la tête, qui fait 0 degré, il a de la difficulté à respirer et qui est entouré de pygmées, il a des problèmes. Et celui qui est pris dans sa maison parce qu'il fait chaud, il fait 33 degrés Celsius dehors, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a rien de bon à la télévision, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de jus, plus de bière. Mais il est aussi mal pris. Selon les deux points de vue, les deux souffrent également. Mais j'aime mieux être dans mon salon à 33 degrés, avoir chaud, à part à regarder une télévision qui est plate, que d'être pris dans un trou de boîte, à regarder des indigènes aussi plates qui sont en train d'allumer un feu à Cachodron. Alors, c'est le même phénomène. C'est que l'homme d'ici, vous souffrez autant que les paysans des pays sous-développés. Sauf que, le point de vue étant différent, on ne peut pas percevoir. Lorsque moi, j'étais au Guatemala et que je leur disais « Oui, il neige au Québec, il neige. » De temps en temps, il tombe même jusqu'à 25 pieds de neige. Par hiver. Alors, la personne, « Waouh, c'est écœurant. Comment vous faites même capable d'ouvrir vos portes? » Ben oui, c'est bien évident. Imaginez-vous. Bon. Alors, vous creusez des tunnels, vous vous arrangez comment? On voit plus de soleil pendant tout l'hiver. Et lorsque je leur parlais des ours, ah, ils en ont vu dans des vues, les ours, ils ont vu le film Grizzly. Il n'y a pas un maudit Guatémaltèque qui va oser venir se promener au Québec. Mais il n'y a pas un Québécois qui va au Guatemala à cause qu'ils ont peur des scorpions et des araignées. Ça dépend du point de vue. Alors, la limite de l'homme nouveau, elle est là. Mais elle sera perceptible par l'homme nouveau et elle apparaîtra toujours comme étant une limite sans limite aux yeux de l'homme ancien. Alors voilà, c'est fini. Je vous invite à la conférence la semaine prochaine. Je n'en connais même pas le titre, très intéressant. C'est quoi la semaine prochaine? Je te passe la dernière, c'est merci. La semaine prochaine... Ah oui, évoluer malgré la maladie. Malgré la maladie. Oui. Soyez pas malade, revenez-nous. J'espère que vous avez bien apprécié la conférence. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.